Chapitre 22. Le roc. Pendant quelque temps, Nao désire frapper les fauves. La rancune remue dans son cœur. Et l'œil fouillant la pénombre, il tient prête une sague aiguë. Puis, comme l'ours géant demeure invisible et la femelle éloignée, il s'apaise. Il songe que le jour avance et qu'il faut atteindre la plaine. Alors, avec ennui, il marche vers la lumière. Elle s'accroît à chaque pas. Le couloir s'élargit et les nomades poussent un cri devant les grands nuages d'automne qui se roulent au fond du firmament, la côte roide, hérissée, pleine d'obstacles, et la terre sans bornes. Car toute la contrée leur est familière. Ils ont parcouru depuis leur enfance ces bois, ces savanes, ces collines, franchi ces mares, campé au bord de cette rivière ou sous le surplomb des rocs. Encore 2 journées de marche, ils atteindront le grand marécage que les hoularmes rejoignaient après leur rôderie de guerre et de chasse, et où l'obscure légende mettait leurs origines. Nam rit comme un petit enfant, Gao tend les bras avec un saisissement de joie, et Nao, immobile, sent revivre une telle abondance de choses qu'il est comme plusieurs êtres. « Nous allons revoir la horde !» Déjà tous trois en percevaient la présence. Elle était mêlée aux ramures d'automne. Elle se reflétait sur les eaux et transformait les nuages. Chaque aspect du site était étrangement différent des sites qui se trouvaient là-bas, à l'arrière, dans l'immense orient méridional. Ils ne se souvenaient plus que des jours heureux. Nam et Gao, qui avaient si souvent subi la rudesse des aînés, les pointes de Faoum aux gestes farouches, sentaient une sécurité sans bornes. Ils regardaient avec orgueil les petites flammes qu'ils avaient parmi tant de luttes, de fatigues et de souffrances gardées vivantes. Nao regretta d'avoir dû sacrifier sa cage. Une superstition vague traînait au fond de son cerveau. N'apportait-il pas cependant les pierres qui contiennent le feu, avec le secret de l'en faire jaillir? N'importe. Il aurait aimé, comme ses compagnons, garder un peu de cette vie étincelante qu'il avait conquise sur l'examen. La descente fut rude. L'automne avait multiplié les éboulis et les fissures. Ils cédèrent de la hache et du harpon. Quand ils touchèrent à la plaine, le dernier obstacle était franchi. Ils n'avaient plus qu'à suivre des voies simples et bien connues. Pleins de leur espérance, ils fixaient des sens moins attentifs sur les événements innombrables qui enveloppent et guettent les vivants. Ils marchèrent jusqu'au crépuscule. Nao cherchait une courbe de la rivière où il voulait établir le campement. Le jour mourut lourdement au fond des nuages. Une lueur rouge traîna, sinistre et morose, accompagnée du hurlement des loups et de la plainte longue des chiens. Il filait par bandes furtives, guettait à l'orée des buissons et des bois. Leur nombre étonnait les nomades. Sans doute quelque exode des herbivores les avait chassés des terres prochaines et rassemblés sur ce sol riche en proies. Ils avaient dû l'épuiser. Leur clameur annonçait la pénurie, leurs allures une activité fiévreuse. Nao, sachant qu'il faut les craindre lorsqu'ils sont en grand nombre, hâtait la course. À la longue, 2 hordes s'étaient formées. Vers la droite, c'étaient les chiens. Vers la gauche, les loups. Comme ils suivaient la même piste, ils s'arrêtaient quelquefois pour se menacer. Les loups étaient plus grands, avec des nuques renflées et musculeuses. Les chiens avaient pour eux le nombre. À mesure que les ténèbres mangeaient le crépuscule, les yeux jetaient plus de clarté. Nam, Ga, Nao apercevaient une multitude de petits feux verts qui se déplaçaient comme des lucioles. Souvent les nomades ripostaient ou hurlaient par un long cri de guerre et l'on voyait refluer toutes ces phosphorescences. D'abord les bêtes se tinrent à plusieurs portées de harpons. Avec la croissance des ténèbres, elles se rapprochèrent. On entendait plus distinctement le bruit mou de leurs pattes. Les chiens parurent les plus hardis. Quelques-uns avaient devancé les hommes. Ils s'arrêtaient brusquement, ils bondissaient avec un cri aigu ou bien rampaient d'une manière sournoise. Mais les loups, inquiets de se voir devancés, arrivaient tous ensemble avec leurs voix déchirantes. Il faillit y avoir bataille. Les chiens serrés les uns contre les autres, conscients de la puissance du nombre, exaltés par le sentiment de leur avance, tenaient soudain tête. Une impatience furieuse tordait les entrailles des loups, et dans la dernière cendre crépusculaire, les 2 hordes oscillaient, vagues de chair palpitante et longs déferlements de clameurs. Il n'y eut pas de mêlée. Quelques individus moins grégaires et ayant continué la chasse, leur exemple prévalut. Parallèle, la file des chiens et celle des loups se menaçaient dans le soir de famine. L'opiniâtre poursuite à la longue inquiétait les hommes. Devant l'Occident presque noir, parmi tant de corps sournois, ils sentaient la mort. Un groupe de chiens devant Sago, qui marchait vers la gauche, et l'un d'eux, qui avait la taille d'un loup, s'arrêta, montra ses dents étincelantes et bondit. Le jeune homme nerveusement lança son harpon. Celui-ci s'enfonça dans le flanc de la bête qui se mit à tournoyer avec un long hurlement. Gao l'acheva d'un coup de massue. Au cri d'agonie, les chiens affluèrent. Une solidarité plus forte que celle des loups les unissait, et lorsqu'un d'entre eux était en danger, il leur arrivait de braver les grands carnivores. Nao craignit l'attaque de toute la bande. Il rappela Nam et Gao afin d'intimider les bêtes. Serrés l'un à l'autre, les nomades faisaient masse. Les chiens, étonnés, déferlèrent autour. Qu'un seul osât se précipiter, tous le suivraient et les os des hommes blanchiraient dans la plaine. Brusquement, Nao darda une sagaie. Un chien s'abattit, la poitrine trouée. Le chef, l'ayant saisi par les pattes arrière, le jeta dans un groupe de loups qui rabattaient à droite. Le blessé y disparut et l'odeur du sang, la proie facile exaspérant leur faim, les fauves se mirent à dévorer cette chair vivante. Alors les chiens oublièrent les hommes et tous se ruèrent sur les loups. Tandis que la mêlée s'engageait, les nomades avaient pris le galop. Une buée annonçait la rivière prochaine et Nao, par intervalle, discernait un miroitement. Deux ou trois fois, il s'arrêta pour s'orienter. À la fin, montrant une masse grisâtre qui dominait la rive, il dit « Nao, Nam et Gao se riront des chiens et des loups. » C'était un grand rocher qui formait presque un cube et s'élevait à 5 fois la hauteur d'un homme. Il n'était accessible que d'un seul côté. Nao le gravit rapidement car il le connaissait depuis des saisons nombreuses. Quand Nam et Gao l'eurent suivi, ils se trouvèrent sur une surface plate, plantée de broussailles et même d'un sapin, où 30 hommes pouvaient camper à l'aise. Là-bas, vers la plaine cendreuse, les loups et les chiens combattaient éperdument. Des rumeurs féroces, de longues plaintes vrillaient l'air humide. Les nomades goûtaient la sécurité. Le bois gémit. Le feu darda ses langues rouges et ses fumées fauves. Une large lueur s'épandit sur les eaux. Du roc solitaire se détachaient 2 segments de rives nues. Les roseaux, les saules et les peupliers ne poussaient qu'à distance, en sorte qu'on distinguait toute chose à 20 portées de harpon. Cependant, des bêtes fuient la clarté et se cachent ou accourent fascinées. 2 chouettes s'élèvent sur un tremble avec un cri funèbre, une nuée d'oreillards tourbillonne, un vol éperdu des tourneaux file à l'autre rive, des canards troublés abandonnent le couvert et se hâtent vers l'ombre, de longs poissons surgissent de l'abîme, vapeurs argentées, flèches de nacre, hélices cuivreuses. Et la lueur rouge montre encore un sanglier trapu qui s'arrête et qui grogne, un grand élaphe. L'échine tremblotante, ses ramures rejetées en arrière, la tête sournoise d'un lynx aux oreilles triangulaires, aux yeux cuivrés et féroces, apparut dans 2 branches de frêne. Les hommes connaissaient leur force. Ils mangent en silence la chair rôtie, joyeux de vivre dans la chaleur du feu. La horde est proche. Avant le 2e soir, ils reconnaîtront les eaux du grand marécage. Nam et Gao seront accueillis comme des guerriers. Les oularmes connaîtront leur courage, leur ruse, leur longue patience et les redouteront. Nao aura Gamla en partage et commandera après Faoum. Leur sang bout d'espérance. Et si leur pensée est courte, l'instinct est prodigieux, plein d'images profondes et précises. Ils ont la jeunesse d'un monde qui ne reviendra plus. Tout est vaste, tout est neuf. Eux-mêmes ne sentent jamais la fin de leur être. La mort est une fable effrayante plutôt qu'une réalité. Ils la craignent brusquement dans les moments terribles. Puis elle s'éloigne, elle s'efface, elle se perd au fond de leurs énergies. Si les fatalités sont formidables, si elles s'abattent sans répit avec la bête, la faim, le froid, les maux étranges, les cataclysmes, à peine ont-elles passé, ils ne les redoutent plus. Pourvu qu'ils aient l'abri et la nourriture, La vie est fraîche comme la rivière. Un rugissement fend les ténèbres. Le sanglier prend du champ, les laves bondies, convulsives, ses bois plus penchés sur la nuque et sans structure ont palpité. D'abord, c'est près de la tremblée, une forme nébuleuse, puis une silhouette oscillante dont la puissance se décèle dans chaque geste. Une fois encore, Nao aurait vu le lion géant. Tout a fui, la solitude est sans bornes. La bête colossale s'avance avec inquiétude. Elle connaît la vitesse, la vigilance, le flair aigu, la prudence, les ressources innombrables de ceux qu'elle doit atteindre. Cette terre où sa race a presque disparu est moins tiède et plus pauvre. Elle y vit d'un effort épuisant. Toujours la faim ronge son ventre. À peine si elle s'accouple encore. Les terroirs où la proie suffit à un couple sont devenus plus rares, même là-bas vers le soleil ou dans les vallées chaudes. Et le survivant qui rôde dans le pays du grand marécage ne laissera point de descendance. Malgré la hauteur et l'escarpement du roc, Nao sent ses entrailles tordues. Il s'assure que le feu défend l'étroit accès et il saisit la massue et le harpon. Nam et Gao aussi sont prêts à combattre. Tous trois tapis contre le roc sont invisibles. Le lion-tigre s'est arrêté. Ramassé sur ses pattes musculeuses, il considère cette haute clarté qui trouble les ténèbres comme un crépuscule. Il ne le confond pas avec la lueur du jour, et moins encore avec cette lumière froide qui le gêne à l'embuscade. Confusément, il revoit des flammes dévorant la savane, un arbre brûlé par la foudre ou même les feux de l'homme qu'il a parfois frôlé, il y a longtemps, dans les territoires d'où l'ont successivement exilé la famine, la crue des eaux ou leur retraite qui rend l'existence impossible. Il hésite, il gronde, sa queue fouette furieusement, puis il s'avance et flaire les effluves. Ils sont faibles, car ils s'élèvent puis s'éparpillent avant de redescendre. La petite brise les porte vers la rivière. Ils sentent à peine la fumée, moins encore la chair rôtie, pas du tout l'odeur des hommes. Ils ne voient rien que ces lueurs bondissantes dont les éclairs rouges et jaunes croissent, décroissent, se déploient en cônes, coulent en nappes, se mêlent dans l'ombre soudaine des fumées. La mémoire d'aucune proie ne s'y associe ni d'aucun geste de combat. Et la brute, saisie d'une crainte chagrine, ouvre sa gueule immense, caverne de mort d'où rauque le rugissement. Nao voit s'éloigner le lion géant vers les ténèbres où il pourra dresser son piège. « Aucune bête ne peut nous combattre !» s'exclame le chef avec un rire de défi. Depuis un moment, Nam a tressailli. Le dos tourné au feu, il suit du regard, à l'autre rive, un reflet qui rebondit sur les eaux, s'infiltre parmi les saules et les sycomores. Et il murmure la main tendue. « Fils du léopard, des hommes sont venus !» Un poids descend sur la poitrine du chef et tous trois unissent leurs sens. Mais les rives sont désertes, ils n'entendent que le clapotement de l'eau, ils ne distinguent que des bêtes, des herbes et des arbres. « Nam s'est trompé !» interroge Nao. Le jeune homme répond, sûr de sa vision. « Nam ne s'est pas trompé, il a aperçu le corps des hommes parmi les branches des saules, ils étaient deux. » Le chef ne doute plus, son cœur se convulse entre l'angoisse et l'espérance. Il dit tout bas. C'est ici le pays des Oularmes. Ceux que tu as vus sont des chasseurs ou des éclaireurs envoyés par Faoum. Il s'est levé. Il développe sa grande stature. Car il ne servirait à rien de se cacher. Amis ou ennemis savent trop la signification du feu. Sa voix clame. Je suis Nao, fils du léopard qui a conquis le feu pour les Oularmes. Que les envoyés de Faoum se montrent. La solitude demeure impénétrable. La brise même s'est assoupie et la rumeur des fauves. Seul le ronflement des flammes et la voix fraîche de la rivière semblent s'accroître. « Que les envoyés de Faoum se montrent !» répète le chef. « S'ils regardent, ils reconnaîtront Nao, Nam et Gao. Ils savent qu'ils seront les bienvenus. » Tous trois, debout devant le feu rouge, montrent des silhouettes aussi visibles qu'en plein jour et poussent le cri d'appel des Oularmes. L'attente. Elle mord le cœur des compagnons. Elle est grosse de toutes les choses terribles. Et Nao gronde. Ce sont des ennemis. Gaa et Nao le savent bien, et toute joie les quitte. Le péril est plus dur qui les frappe dans cette nuit où le retour semblait si proche. Il est plus équivoque aussi puisqu'il vient des hommes. Sur ce sol voisin du grand marécage, ils ne pressentaient d'autre approche que celle de leur horde. Est-ce que les vainqueurs de Faoum l'ont attaqué encore? Les Oulam ont-ils disparu du monde? Nao voit Gamla conquise ou morte. Il grince des mâchoires et sa massue menace l'autre rive. Puis, accablé, il s'accroupit devant le bûcher. Il songe. Il guette. Le ciel s'est ouvert à l'orient. La lune à son dernier quartier apparaît au fond de la savane. Elle est rouge et fumeuse, énorme. Sa lueur est faible encore, mais elle fouille les profondeurs du site. La suite que médite le chef deviendra presque impossible si les hommes cachés sont en nombre et s'ils ont dressé des embuscades. Tandis qu'il y pense, un grand frémissement le secoue. À l'aval, il vient d'apercevoir une silhouette trapue. Si rapidement qu'elle ait disparu dans les roseaux, la certitude le pénètre comme la pointe d'un harpon. Ceux qui se cachent sont bien des Oulam, mais Nao préférerait des dévoreurs d'hommes ou les nains rouges, car il vient de reconnaître à goût le velu.